Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la fin, la raison commence au cratère. C'est la super radio Cayenne. On est toujours sur Radio Cayenne, on est toujours le 12 novembre, vous nous écoutez toujours sur radio.antirep.net et on va causer de Marseille, de ces immeubles effondrés à Marseille et on va lire un texte pour ça qui s'appelle « Insalubrité, gentrification, même combat » qu'on a trouvé sur mars-info.org. Mars comme le mois de mars, tiré du 6, info au pluriel.org. Donc insalubrité, gentrification, même combat. De Noailles à la Plaine, en passant par Belle-de-Mai et Belle-Sins, c'est toujours le même plan que la mairie de Marseille et la Soléa m'imposent. Laisser pourrir les quartiers des pauvres pour pouvoir ensuite mieux les valoriser, les rentabiliser, les gentrifier. Depuis 2 jours, donc le texte il a été écrit le 7 novembre. Depuis 2 jours, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne a suscité nombre de réactions. Au deuil et à l'attente de l'avancée des recherches des personnes disparues sous les décombres s'est ajoutée, chez beaucoup d'habitants et habitantes de Noailles et du centre-ville, la colère. Si Gaudin et les responsables tiennent la pluie pour responsable de l'écroulement, beaucoup font le lien entre le drame de Noailles et la politique de la ville, menée par la Soléam, qui consiste à injecter des dizaines de millions d'euros dans des projets tape à l'œil, la nouvelle tour, la Marseillaise, le centre commercial et la rénovation du vélodrome, le projet monté en gamme de la plaine, etc. Pourrissement, puis valorisation, le jeu de la mairie pour que les riches s'en mettent plein les poches. Revenons sur ce lien entre le fait de jouer le pourrissement des quartiers populaires et le phénomène de gentrification, de valorisation comme ils disent, qui s'ensuit. Ce n'est pas propre à Marseille. On le retrouve dans toutes les villes du monde. Mais le fait est qu'à Marseille, cela se fait depuis des dizaines d'années de manière crue et brutale. On se rappelle, évidemment, du panier, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, de la rue de la République, vendue au fonds de pension américain Lehman Brothers, de la Joliette, etc. Depuis 20 ans, le grand projet de la mairie de Marseille et de Gaudin est, comme chacun chacune sait, de reconquérir le centre-ville, d'en faire un centre-ville propre et riche qui pourrait faire entrer la ville dans la longue liste des métropoles européennes qui comptent. En bref, de virer les pauvres du centre. Pour ce faire, les édiles se sont dotés de plusieurs outils. Les officines d'aménagement urbain, Euromed, pour la zone Aranque-La Joliette-Belle-de-Mai, et Soléam, pour le centre-ville notamment. Les opérations comme Marseille Capitale Européenne de la Culture, en 2013, ou Ambition Centre-Ville. On retrouve évidemment bon nombre d'élus et d'adjoints à la mairie dans les organisations de ces structures. Et tous les moyens sont bons pour parvenir à l'objectif visé. Demander de l'argent à l'État, à la région, à la métropole, voire même vendre des quartiers entiers à des entreprises, Lehman Brothers par exemple. Booster l'industrie culturelle pour ramener hipsters et touristes, élaborer un plan de préemption renforcé, ultra agressif, nous y reviendrons plus loin. Et en attendant, il s'agit de laisser pourrir les immeubles et les infrastructures collectives, les écoles par exemple, et de fait, les laisser se dévaloriser, tout en préparant la revalorisation à venir. Il s'agit aussi de se poser en grand sauveur de quartiers abandonnés quand les élus commenceront leur plan de com' sur le projet qu'ils auront concocté. La requalification de la plaine en est une parfaite illustration. 1. La mairie laisse pourrir la place pendant plus de 5 ans alors que les habitants lui réclament la réparation des lampadaires, le vidage des ordures comme il se doit, l'installation des toilettes, etc. 2. La mairie se pointe avec son mirobolant projet à 20 millions, montée en gamme, sécurisation et place-façade de la ville. 3. Elle se pose en grande bienfaitrice du quartier auprès des habitants les plus riches et de ceux qui en ont ras-le-bol du délabrement de la place. 4. Elle refuse toute concertation et impose de force un chantier de 3 ans aux habitants, habitantes et commerçants, commerçantes à coups de CRS, de tronçonneuses et d'enceintes en béton. Moins visible que les chantiers imposés à coups de millions et de matraques, la préemption renforcée tient plus de la guerre de basse intensité et des frappes chirurgicales. Préemption renforcée sur tout le centre-ville, la gentrification soft.

des immeubles qui s'effondrent à Marseille et de la gestion de l'État, de la ville, des politiques publiques, de l'habitat des pauvres. Et ce texte, il s'appelle Pour que bientôt ce soit au tour de la spéculation de s'effondrer. Il a été écrit le 11 novembre. Il commence par une citation. Il y a des gens qui meurent dans ces immeubles, mais le pire, c'est aussi qu'il y a des gens qui y vivent, ajoute son épouse qui avoue des envies de révolution, que le peuple marseillais aille péter la mairie, là où il y a des rois qui boivent du chocolat. Et du coup, la référence au chocolat, c'est que le soir, le premier ou le deuxième soir, je sais plus, après l'effondrement, en fait, des élus marseillais étaient en train de faire une dégustation de chocolat. Je ne sais où, à Marseille, alors que des gens étaient en train de galérer, que d'autres attendaient de savoir si leurs proches étaient ou pas sous les décombres. Voilà. Ce sont 10 000 personnes qui se sont rassemblées ce samedi en hommage aux 8 personnes décédées dans l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne. 10 000 personnes qui sont allées, depuis le cours Julien, à travers Noailles jusqu'à la mairie. À peine la marche commencée, exactement dans l'alignement du camp de gestion de crise sur le cours Lyoto, de la marche blanche et du commissariat de Noailles, le béton a de nouveau cédé. C'est un balcon qui s'est effondré au sol, emmenant 2 personnes dans sa chute. Le béton a le sens du timing. Il rappelle, comme un poignard entre les omoplates, la violence de la situation, la violence de l'abandon des quartiers populaires, la violence de leur dépeçage, pardon, quand il s'agit de les réaménager, la violence qui ne nous laisse pas de répit, pas même le temps des deuils. Comme dans les 3 petits cochons, les maisons de bonne pierre résistent mieux à celles faites de brindilles quand le loup souffle. Comme on pouvait le lire sur la banderole, ce n'est pas la pluie, ni le ciel qui fait s'écrouler les murs des pauvres quand ceux des riches tiennent bon. Ils ne méritaient pas de mourir juste parce qu'ils sont pauvres. Nous, les pauvres, on vit tous les jours le rejet. Je le vis parce que je n'ai pas de vêtements qui attirent, parce que je n'ai pas les moyens de recevoir. La marche a finalement repris quand nous avons compris qu'il n'y aurait pas d'autre choix que celui d'encaisser cette nouvelle chute. En traversant Noailles, dans un silence devenu pesant, parfois rompu par des clapements de mains quand le silence était trop dur à supporter, révélant une révolte contenue. La colère était palpable, on la retrouve dans les mots de toute la presse. Ce n'est pas normal, en 2018, que dans la deuxième ville de France, des immeubles s'écroulent, dit Renaud. Il y a des gens qui meurent dans ces immeubles, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui y vivent, ajoute son épouse, qui avoue des envies de révolution, que le peuple marseillais aille péter la mairie, là où il y a les rois qui boivent le chocolat. Le cortège, passé par le vieux port, est enfin arrivé devant la mairie qui fait face au port de Plaisance. C'est là que le collectif du 5 novembre a pris la parole. Ne rien oublier, c'est l'objectif qu'il s'est fixé. Kevin, son porte-parole, a énuméré les revendications des proches des victimes et des centaines d'habitants évacués des immeubles avoisinants. Il réclame un jour de deuil, la prise en charge des frais d'obsèques, y compris lorsqu'il faut rapatrier les corps à l'étranger, mais aussi des relogements dans des appartements, pas à l'hôtel. Nous voulons que les fleurs et les cierges que nous déposons ne soient pas enlevés. Il est inadmissible de voir des policiers en casque alors que nous essayons de faire notre deuil. Le collectif veillera aussi à ce que la catastrophe ne soit pas l'occasion pour dégager quiconque du quartier. La colère s'est alors enfin exprimée contre une mairie responsable de tant de tristesse quand la foule s'est mise à hurler « Godin assassin, Godin démission ». Le maire semble cette fois-ci véritablement sur la sellette. Lui qui devait tenir une conférence de presse sur le cours Lyoto ce vendredi en avait été interdit. Celle-ci s'est tenue à la préfecture. Le maire, tremblant comme sa ville, y semblait déjà mis sous la tutelle du préfet, alors que tout le monde le lâche pour sauver sa peau, pour prendre sa place. Et si jamais, après plus de 20 ans en poste, il finit par sauter, il faudra bien prendre garde à ne pas se laisser berner par d'éventuels autres loups aux aguets. Si la solidarité qui s'est exprimée pendant cette marche est notable, il est sûr qu'à l'opposé de ce monde, de ce que le monde affirmait ce samedi, le fossé est le plus creusé que jamais. Entre le nord de la ville, qui cumule pauvreté, violence des réseaux de drogue et abandon des services publics, et un sud riche et prospère. Ce que revendiquent les habitants de Noailles, c'est la vérité, la transparence sur les expertises déjà faites sur les immeubles. Sachez, monsieur Gaudin, monsieur Macron, messieurs les bailleurs, nous n'oublierons jamais. En espérant que le Mistral souffle fort et fasse retomber bientôt les bougies déposées en hommage au pied du mur sur la tête des véritables responsables. Pour que bientôt ce soit au tour de la spéculation de s'effondrer.